Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'affaire Darcy ou l'ombre d'un doute. Le soir du 26 février 2012, les gendarmes de la brigade de Chevreuse dans les Yvelines sont appelés au secours dans la forêt de l'ancienne abbaye de Port-Royal. Une voiture est en feu. À l'intérieur, le cadavre calciné d'une femme. À quelques mètres, le mari, à terre, blessé au dos. On lui a tiré dessus, dit-il, et on a tué sa femme et incendié la voiture. L'histoire que raconte cet homme, François Darcy, est-elle vraie ou l'a-t-il inventée jusqu'à se tirer une balle dans le dos pour maquiller l'assassinat de sa femme, autrement dit. François Darcy est-il victime ou assassin? Les enquêteurs se font rapidement leur opinion. C'est lui qui a tué sa femme. Jugé en première instance en 2016, il est condamné à 30 ans de prison. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pourtant, nous parlons d'un crime sans aveu, sans armes, sans mobile, la totale. De l'enquête, il ressort que François Darcy pourrait très bien être l'assassin de sa femme, certes, mais rien ne le prouve. Et c'est bien le problème, le drame. Imaginons un seul instant que cet homme soit innocent. Existe-t-il seulement un mot pour traduire l'indicible souffrance d'un être humain soumis à ce qu'on appelle l'erreur judiciaire, qui devient alors horreur judiciaire? Et si l'histoire que nous allons vous raconter était de ce ressort-là? Notre invité aujourd'hui, Julien Mucchielli, chroniqueur judiciaire, auteur du livre sur l'affaire Darcy, intitulé « 10 ans de mariage », paru en octobre dernier chez Jean-Claude Lattès. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Colin Nguyen. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Palais de Chevreuse, département des Yvelines, dimanche 26 février 2012, il est 23h06, un homme appelle le 17. On vient de se faire attaquer. Je suis caché dans les bois, je ne sais pas où je suis, on allait à Milon-la-Chapelle. J'ai eu envie de pisser, je me suis arrêté, je crois qu'on est sur le parking de l'abbaye. Quelqu'un avec un fusil, il a tiré dans ma direction. Et moi, j'ai sauté dans les taillis. J'entends des voitures, mais je ne vois pas de phare. Je vois juste la voiture brûlée et ma femme est dedans. La brigade de gendarmerie peine à localiser l'endroit. Elle n'y parvient qu'une heure plus tard, vers minuit. Entre Trappes et Gif-sur-Yvette, à l'intersection des départementales 46 et 91, une route étroite s'enfonce dans la forêt. Quelques centaines de mètres plus loin, la voie s'élargit pour devenir une vague aire de stationnement en terre et bitume défoncée. Et là, une voiture brûle. C'est une Audi A8, mais il n'en reste presque rien. À une vingtaine de mètres, se trouve un homme en position fétale. Il n'arrive pas à se relever, il est blessé par balle sous l'omoplate gauche. Incapable de parler, il indique aux gendarmes son portefeuille. Sur sa carte d'identité, il lise « François Darcy, né le 16 septembre 1966 à Chatou. » « Où se trouve votre femme ?» lui demande un gendarme. « Dans la voiture », répond François Darcy, de manière relativement détachée, note l'enquêteur. Un pompier confirme, François Darcy ne paraît pas bouleversé, ne parle pas de sa femme. Pourtant, à l'intérieur de l'Audi, on distingue un corps humain. Il est presque entièrement calciné. C'est le corps de Sylvie Darcy. Son mari et elle fêtaient ce week-end-là leur 10 ans de mariage. François Darcy a 45 ans, c'est un colosse, 1m98, 140 kilos et une grosse moustache touffue. Il est informaticien. C'est en 2000 qu'il rencontre Sylvie, informaticienne, elle aussi. Elle est joviale et chaleureuse et tombe amoureuse de cet homme plutôt brouillé, renfermé. Ils se marient fin mars 2002 et vivent avec leurs enfants à Montigny-le-Bretonneux, près de Trappes. Ce week-end dernier, au 2 février 2012, Sylvie et François Darcy fêtent leur 10 ans de mariage, légèrement en avance. C'est une idée de François. Il a réservé 3 nuits dans un charmant petit hôtel à Milon-la-Chapelle. Sylvie Darcy est ravie. C'est à 15 minutes en voiture de chez eux, mais c'est plus commode au cas où un aller-retour imprévu s'imposerait. Ils arrivent à l'hôtel dans la soirée du 24 février. Ils reviennent d'un dîner au chic restaurant du Trianon de Versailles. Ils sont élégants tous les deux. François a même acheté un costume pour l'occasion. Le lendemain, dans l'après-midi, il a réservé une séance de massage. Le dimanche matin, il s'éclipse un moment. Sa femme s'en inquiète, mais c'est avec un bouquet d'anémones qu'il revient, alors tout va bien. Plus tard, à 16h, il y a un match de rugby, France-Écosse. Sylvie tient à le regarder à l'hôtel. François, que ça n'intéresse pas, en profite pour faire un aller-retour chez eux, car il veut tester quelque chose. Il a une passion bien à lui, François. Cela fait près d'un an qu'il est inscrit au stand de tir de Versailles. Concentration, précision. Pour eux, c'est un sport comme un autre. 1500 tireurs viennent régulièrement s'adonner à leur passion au stand de tir versaillais. Des membres du RAID et de la police des douanes profitent également des nombreuses installations. Pour les habitués, il n'y a pas de meilleur club en Île-de-France. Quand on regarde au niveau de la région, c'est un des seuls stands qui propose autant de pas de tir et qui a surtout les longues distances, donc jusqu'à 300 mètres là-bas. François Darcy va au stand plusieurs fois par semaine, ça le détend, dit-il. Il s'échauffe avec une vingtaine de longs rifles, puis passe au fusil d'épaule, au pas de tir, à 200 et à 300 mètres, avec lunettes de visée et silencieux. Mais ce qui l'intéresse, c'est le bricolage. Oui, démonter ses armes, monter ses lunettes et même fabriquer ses propres munitions. Ce dimanche après-midi, il rentre chez lui pour tester de nouvelles poudres, justement, et leur temps de combustion. Puis il rejoint sa femme à l'hôtel. Ils vont au cinéma, dînent dans un restaurant japonais de Saint-Quentin en Yvelines. Ils en sortent à 21h30. Voilà, jusque-là, rien de spécial. La suite, en revanche, est beaucoup plus floue. L'hôtel où ils s'apprêtent à passer la dernière nuit de leur week-end est à une dizaine de minutes en voiture du restaurant. Les Darcy traversent la forêt sur la départementale 91 quand François, qui conduit, est pris d'une envie pressante. Au lieu dit Saint-Lambert-des-Bois, la route de gauche va vers l'hôtel. Celle de droite conduit au reste de l'abbaye de Port-Royal. Et c'est sur cette voie, la droite, que l'Audi s'engage. La route est étroite, il y a une aire de stationnement à quelques centaines de mètres. François se gare, sa femme sur le siège passager somnole. Il ouvre la portière, lui dit qu'il n'en a que pour une minute, ce qui est généralement le cas dans ce genre de situation. Il fait froid, l'endroit est désert. François s'éloigne d'une quinzaine de mètres. Les phares de la voiture pour seule lumière, il fait ce qu'il a à faire. Il remonte sa braguette, quand soudain... Je ressens une grosse douleur. Je pensais qu'on m'avait mis une tape dans le dos, et en me retournant, je distingue une silhouette, mais surtout un pointeur laser. Et là, je m'en voudrais toujours, je n'ai pensé qu'à moi. J'ai réagi d'instinct. Je cours au fond du parking, je rentre dans cette trouée et je me cache. Combien de temps ? Je suis incapable de vous le dire. J'ai un trou. A-t-il attendu ? S'est-il évanoui ? Quoi qu'il en soit, il appelle les secours à 23h06, soit 1h36 après être sorti du restaurant, donc vraisemblablement environ 1h30 après l'attaque. Sa voiture brûle, mais il ne regarde pas ailleurs, non. Non, il croit voir sa femme à l'intérieur. On le conduit à l'hôpital Pompidou à Paris. Il y est interrogé par des gendarmes à qui il livre un récit détaillé d'une traite. Il leur signale un événement troublant. Une semaine avant, le coffre de sa Renault Scénic a été forcé sur le parking du stand de tir. On lui a volé un 22 long rifle et une carabine, une 16L525 Barreneau. Les gendarmes sont étonnés de la fluidité avec laquelle cet homme témoigne. Et ils sont encore plus surpris que François Darcy, à aucun moment, ne demande des nouvelles du corps de sa femme. Il ne demande pas non plus si l'enquête avance. Des gendarmes sont postés à l'entrée de sa chambre. Officiellement, c'est pour le protéger. En réalité, c'est pour le surveiller. Car il est l'unique suspect de l'assassinat de sa femme. Le 4 mars, une semaine après les faits, il est mis en garde à vue, puis en examen pour assassinat présumé. Dans les poumons de Sylvie Darcy, il n'y a pas de trace de suie. Elle est donc morte avant l'incendie de la voiture. Mais de quoi ? Le corps est en trop mauvais état pour déceler une blessure. On retrouve tout de même des traces d'huile végétale sur son corps. Un accélérateur de combustion a peut-être été utilisé. La balle qui a blessé François Darcy est extraite de son dos. C'est une 5,56 mm calibre 222 Remington, une balle prisée des tireurs sportifs parce qu'elle permet un recul relativement faible et parce qu'elle offre une bonne précision à moyenne distance. Elle est idéale, paraît-il, pour chasser le renard ou le ragondin. Le projectile s'est logé à 10 cm de profondeur, ce qui est surprenant, car ce genre de balles s'enfoncent généralement à 20 ou 25 cm. Et l'ogive est dotée d'une pointe creuse, faite pour se déformer à l'impact. La balle a tout l'air, selon les experts balistiques, d'avoir été trafiquée pour réduire les dégâts. Elle a pu être soudeuse en poudre, par exemple. Or, de la poudre, on en retrouve sur les mains de François Darcy le soir de l'attaque. C'est ce que soulève le Parisien Magazine en décembre 2014. Une mort suspecte qui sent la poudre. Pourquoi François Darcy, 47 ans, avait-il des résidus de tir sur les mains lorsqu'il a été retrouvé blessé près de son Audi A8 carbonisé dans un bois des Yvelines le soir du 26 février 2012 ? La question est au cœur de l'enquête sur la mort de Sylvie Darcy, 49 ans, dont les restes calcinés ont été découverts sur le siège passager de la voiture de son mari, mis en examen pour assassinat. Pour la justice versaillaise, les résidus de tir sur les mains de cet informaticien sans histoire trahiraient donc un scénario destiné à dissimuler son crime. Les résidus de tir retrouvés sur les mains de François Darcy le soir du crime impliquent, dit l'expertise, qu'il les tirait dans les 4 heures précédentes. Problème, dans le récit qu'il fait de la soirée, ce n'est ni au cinéma ni au restaurant que François Darcy a pu se servir d'une arme. Cela s'est donc passé plus tard. Quand il a tué sa femme, peut-être. Et ce n'est pas tout. Chez les Darcy, les gendarmes retrouvent des munitions semblables à celles retrouvées dans le dos du suspect. Des munitions qu'il a fabriquées lui-même. Dans sa voiture également. Ce sont des balles compatibles avec une carabine qu'il a achetée quelques mois plus tôt, la CZ-527 Burnot, celle-là même, qui lui a été volée, dit-il, dans le coffre de sa voiture. François Darcy est donc soupçonné d'avoir menti sur le vol de ce fusil, d'avoir fabriqué une balle à faible dégât et de s'être lui-même tiré dans le dos pour masquer l'assassinat de sa femme. Le samedi 26 février à 23h, coup de fil de 9 minutes à la gendarmerie. L'homme au bout du fil donne son nom, François Darcy. Indique où il se trouve, un parking à Saint-Lambert-des-Bois dans les Yvelines. Il explique qu'on lui a tiré dans le dos, qu'il s'est évanoui et qu'à côté de lui brûle sa voiture avec peut-être sa femme dedans. Hypothèse des enquêteurs, le mari joue au crime parfait, il tue sa femme, il se blesse et il s'estime protégé par son statut de victime. François Darcy est en prison à Fresnes, il clame son innocence. Les gendarmes cherchent, eux, l'élément déterminant, celui qui sera la preuve que François Darcy est coupable d'avoir imaginé un crime presque parfait. Mais voilà qu'un problème se pose dans ce crime presque parfait. Le canon d'une telle carabine mesure 60 cm. Alors comment François Darcy a-t-il pu se tirer une balle dans le dos, qui plus est, avec une arme aussi longue? Avec le fusil entier, l'opération en effet semble très compliquée. Mais en enlevant la crosse, en sciant le canon et en passant l'arme sous l'épaule dans une certaine position, ça reste complexe, mais possible. Et que retrouve-t-on au domicile des Darcy? Du bois qui semble provenir de la crosse d'une arme et un bout de canon de fusil, tous deux compatibles avec la fameuse carabine. Comme si François Darcy avait scié son arme. Alors, tout se complique désormais pour l'accusé. D'autant que le week-end qu'il a raconté aux gendarmes ne colle pas avec la réalité. Le samedi matin, alors qu'il dit être allé chercher des fleurs, les caméras de surveillance témoignent d'une absence 1h40. À son retour, François Darcy porte un grand sac noir qu'il n'avait pas en partant. Alors que contient-il ce sac? Une carabine? Le suspect explique, sans conviction, que c'était une veste pour sa femme. Quant à l'envie d'uriner, vraiment, si loin de la route, si près de l'hôtel, et pourquoi l'hypothétique agresseur aurait laissé la vie à François et pas à son épouse? Conclusion, François Darcy ne s'est pas arrêté par hasard au fond des bois sur ce parking. Non, il avait tout planifié dans les moindres détails pour se débarrasser de sa femme. Donc, et c'est le moins qu'on puisse dire, il y a préméditation. Alors, en attendant qu'il avoue, il est envoyé en prison, à Fresnes. Lui clame son innocence, mais se montre agressif avec les enquêteurs. Il hausse les yeux, il soupire quand il ne se plonge pas dans le mutisme imperturbable. Ciel qui s'élance, la forêt soudain qui frémit, puis s'installe le silence. Tu te tiens là assourdi. Tu prononces la sentence. Le deuxième coup est parti. Et fais bientôt la différence. Dans la forêt, je te retrouve à l'heure opportune. Un rendez-vous improvisé sous la lune. Sourire crispé. Situation compliquée, je sens ton souffle qui me frôle le cou. Un pistolet chargé me caresse la joue. Tu me dis cette fois c'est moi qui joue. Dans la forêt, la première détonation résonne. Un coup de feu, puis de mon corps qui frissonne. Le 16 septembre 2016, 4 ans et demi après les faits, c'est le jour des 50 ans de François Darcy. C'est aussi et surtout l'ouverture de son procès. L'accusé est affaibli, il se sert de béquilles, il a perdu ses dents. Et puis il est mal installé dans un box en verre trop petit pour lui, là où on place les accusés. Dans la salle, les proches de Sylvie Darcy sont venus assister à la chute du monstre. La présidente lui fait parler de sa femme. Elle avait un bon fond, répond-il. Voilà, comme ça, sans aucune expression, une attitude qui l'enfonce. Et les témoins succèdent, à charge pour la grande majorité. Il parle d'un homme qui boit, lunatique, souvent colérique. Il a d'ailleurs été diagnostiqué bipolaire. Oh, je ne serais pas étonné que François soit coupable, dit une cousine de Sylvie, reflétant d'ailleurs l'opinion de tous. Même son ancien meilleur ami en fait un portrait calamiteux. Sa mère venait faire le ménage chez lui, à son âge, franchement. Dans sa maison, on trouvait des cadavres de bouteilles, partout. Quand il a rencontré Sylvie, c'est allé un peu trop vite à mon goût. Elle était amoureuse, lui, pas forcément. François, lorsque nous étions associés, s'était acheté un 4x4 avec l'argent de la société. Inutile et dispendieux. L'argent lui brûlait les doigts. Quand il avait trop bu, il devenait insupportable, presque violent. Il aimait bien dominer le monde. Aux questions, François Darcy répond, les bras ballants, qu'il ne se souvient pas, qu'il ne sait pas où, qu'il ne sait pas quand. Il agace les jurés et la présidente. Quant à sa passion pour les armes, elle les effraie, surtout quand elle est au-dessus des moyens du couple. Peu avant la mort de sa femme, François a acheté un fusil et une lunette de visée. Total, 6 000 €. Il a même commandé une crosse à 475 € à 2 h du matin pendant le week-end en amoureux. Tout ça avec l'argent de sa femme. Car lui n'en a plus beaucoup en février 2012. Son entreprise d'informatique connaît de sérieuses difficultés. Il gagne environ 1 200 € par mois, quand Sylvie, elle, touche un salaire 3 fois supérieur. De plus, elle est détentrice d'une assurance vie de 220 000 € que toucherait son mari en cas de décès. Ajoutons à cela que le couple n'allait pas bien. Dans les affaires de Sylvie, on trouve un journal intime et voici ce qu'elle y écrit quelques mois avant sa mort. A sorti un fusil de son étui. Musique à fond jusqu'à 22 h. empêche les enfants de dormir. 12 septembre 2011, à dormir sur le canapé, à débrancher le décodeur canal pour ne pas que je regarde la télé. Avant même, sans télé, la musique de son ordinateur était à fond. Je suis sortie déjeuner seule à l'extérieur, emballage du plat par terre. Pensais à prendre rendez-vous avec un avocat à Montigny. Tout porte à croire que Sylvie Darcy voulait divorcer. Même la serveuse du restaurant où ils ont dîné le vendredi l'a remarqué. Ce couple n'avait pas l'air amoureux, sinon ils se seraient tenu la main, au moins. Ou auraient trinqué un moment où elle apportait sur la table la bougie romantique. Mais de tout cela, rien. Voici donc le dossier qui est proposé au jury de la cour d'assises. Il contient tous les éléments classiques du fait divers. Un homme passionné par les armes, qu'on se plaît à détester parce que la semble aller dans une certaine logique, un semblant de mobile financier, des expertises accablantes sur l'arme des crimes, François Darcy a une tête de coupable, une vraie. Du fond de son box, il lance au juré « Je n'ai pas tué Sylvie, je vous fais confiance ». Alors, les jurés partent délibérer sous le haut patronage du président de la cour d'assises, comme dans le film de 1957, 12 hommes en colère, avec Henri Fonda, qui raconte justement la délibération d'un jury sur un dossier d'homicide. Vous avez assisté au débat. Vous savez qu'il s'agit d'un cas assez complexe, d'un meurtre avec préméditation. La préméditation en matière d'assassinat est ce que nos cours criminelles ont à juger de plus grave. Vous avez entendu les témoignages. On vous a lu expliquer les textes de loi qui seront appliqués dans ce cas. Et maintenant, votre devoir est de réfléchir afin de séparer les faits de ce qui relève de l'imagination. Un homme a été tué, et la vie d'un autre est en jeu. S'il existe dans votre esprit un doute valable sur la culpabilité de l'accusé, un doute valable, vous devez m'apporter un verdict de non-culpabilité. Si vous n'éprouvez aucun doute valable, vous devez, en votre âme et conscience, déclarer l'accusé coupable. Dans le cas où vous rendriez un verdict de culpabilité, la cour ne le discutera pas. Il sera irrévocable et entraînera automatiquement la sentence de mort. Vous assumez, messieurs, une grave responsabilité. Je vous remercie. Le jury va délibérer. Après 2 heures et demie de délibération, les jurés reviennent. Alors, ont-ils éprouvé ce que le juge de 12 hommes en colère appelle un doute valable ? Car si doute il y a, la cour doit prononcer l'acquittement, c'est l'esprit de la loi. Mais les jurés de la cour d'assises de Versailles ne doutent pas, eux. Le 24 septembre 2016, François Darcy est donc condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Il fait appel. Le dossier d'instruction est à charge, fustigent les avocats de l'accusé. François Darcy est peut-être l'assassin de sa femme, mais rien ne le prouve. Sa condamnation n'est pas construite sur des preuves, mais sur un ressenti. Or, en droit, on ne peut pas condamner un homme sur une impression générale. C'est ce que rappelle Maître Forster au procès en appel en 2018. La maladresse d'un accusé ne doit pas aggraver sa peine. Si l'on veut démontrer qu'il est coupable, on doit démontrer qu'il ment. Pourquoi élaborer un scénario aussi complexe pour assassiner sa femme ? On vous répond, pourquoi pas ? On vous demande de le condamner car il est antipathique, parce qu'il y a des hypothèses et qu'elles sont conformes. On vous demande de le condamner car, en réalité, on est convaincu de sa culpabilité. Alors, devant leurs clients silencieux qui observent d'un air triste les débats, les deux avocats s'appliquent à contrecarrer les unes après les autres toutes les accusations. D'abord, si François Darcy ne semblait pas bouleversé sur la scène du crime et après le crime, cela peut tout à fait lié à la bipolarité dont il souffre. Mais enfin, interrogé sur son lit d'hôpital, il n'a pas dit qu'il aimait sa femme. Il n'a pas pleuré non plus devant les gendarmes. Oui, mais avec les médicaments qu'on lui a administrés, cette réaction est-elle vraiment anormale ? Les avocats poursuivent. L'huile qu'on a retrouvée sur le corps de Sylvie Darcy avait été assimilée à un accélérateur de combustion. Mais est-il vraiment insensé de penser qu'il s'agit des résidus de l'huile avec laquelle elle s'était fait masser la veille ? La réalité, selon les avocats, c'est que dès lors qu'ils ont décelé des résidus de tir sur ses mains, les enquêteurs ont arrêté de chercher la culpabilité ailleurs que chez François Darcy. L'expertise assurait qu'il avait utilisé une arme dans les 4 heures précédentes. Or, cette conclusion est fausse. Voici ce que dit le capitaine de gendarmerie en charge de la contre-expertise. Selon l'expert, ces résidus montrent qu'il a utilisé une arme dans les 4 heures qui ont précédé le drame. Cela n'a aucun fondement, ni technique, ni scientifique. Il n'est absolument pas possible de dater un résidu de tir. Aucun expert français ou international n'a jamais écrit sur ce sujet. On peut envisager que M. Darcy ait eu des résidus de tir sur les mains après les avoir mises dans ses poches. Les conclusions de l'expert ne sont absolument pas fiables. Elles sont parcellaires et dirigées. La poudre peut donc provenir de sa voiture, de son manteau ou d'ailleurs. Il aurait même été étonnant que François Darcy, qui pratique le tir sportif, n'en ait pas sur les mains. Il est donc impossible d'affirmer avec certitude qu'il a utilisé une arme le soir du crime. D'autres expertises ont montré des compatibilités entre la position de François Darcy et la trajectoire de la balle d'une part, et entre les munitions, la crosse et le canoncier et la carabine volée d'autre part. Mais les compatibilités ne sont que comptabilités, même accumulées comme des chiffres, elles ne sont pas des preuves. Il y a plus gênant encore pour l'accusation. Darcy a été condamné alors que l'arme n'a jamais été retrouvée. Revenons au scénario de l'accusation. Après avoir tué sa femme et incendié sa voiture, il se tire une balle dans le dos. Retenons l'hypothèse qu'il y parvienne. D'abord, cela implique un certain sang-froid, la balle trafiquée étant certes moins dangereuse, mais suffisante tout de même pour tuer un homme quand elle est dirigée à bout portant vers le cœur et les poumons, ce qui est le cas. Mais surtout, où a-t-il mis l'arme ? Cette carabine, qui mesure tout de même près d'un mètre de long et qui pèse 2,5 kg. Or, la soixantaine de gendarmes, la trentaine de militaires et les membres du GIGN mobilisés n'ont rien trouvé. Pourtant, ils ont cherché avec les détecteurs de métaux, dans les arbres, ils ont drainé l'eau d'un étang, fouillé chaque muret, chaque ruisseau, à deux reprises, mais rien, pas d'armes. Comment François Darcy a-t-il pu aussi bien la cacher alors qu'il était grièvement blessé, qu'on ne pouvait pas creuser le sol dur et froid de février et que son portable est resté au même endroit jusqu'à ce qu'il appelle les secours ? Nous sommes donc dans un crime sans armes et sans mobile. Sylvie Darcy allait divorcer, dit-on. Mais rien ne prouve qu'elle en ait eu le projet, ni que son mari ait été au courant. L'assurance vie, qui a dit que François Darcy en connaissait l'existence ? C'est plutôt la perte de sa femme qui lui aurait été préjudiciable financièrement, elle qui avait un salaire plus élevé, dont il profitait. Mais l'instruction n'a jamais suivi d'autres pistes que celles qui mènent à François Darcy et pas ailleurs. Et pourtant, d'autres possibilités existent, comme le souligne Maître Forster. Il y a un certain nombre d'hypothèses. Le même soir, un autre véhicule avait été retrouvé brûlé à quelques dizaines de kilomètres de là, sans que d'aucune recherche n'ait été effectuée. Vous avez un témoin proche des faits qui disait que pendant 2 mois, il y avait un véhicule qui venait tous les jours à cet endroit. Dans la mesure où on était dans un endroit assez désert, vous pouvez simplement avoir le fait que, malheureusement, en arrivant là-bas, ils ont dérangé des gens qui n'avaient pas envie que l'on sache qu'ils pouvaient s'y trouver. Dans l'histoire criminologique récente, vous avez eu les fiancés de Fontainebleau, vous avez eu un certain nombre de personnes qui, n'ayant aucun rapport avec les criminels, se sont retrouvées malheureusement victimes. Le 27 février 2012, au matin, dans la commune de La Celle-les-Bordes, à 15 km de la scène de crime, les pompiers retrouvent une BMW incendiée. Elle a brûlé la même nuit que l'Audi de Darcy. Pourtant, dans la vallée de Chevreuse, cela faisait des mois qu'aucun véhicule n'avait été incendié. Alors, deux au même moment dans un si petit périmètre, étrange. Eh bien, cette piste n'a pas été explorée. Plus intriguant encore, 4 téléphones ont borné à l'antenne relais du parking de l'abbaye le soir du meurtre, puis sur celle du lieu de l'incendie de la BMW. Les 4 détenteurs des lignes ont été auditionnés et la piste a été abandonnée. Trop rapidement, peut-être. D'autant qu'il existe des témoignages troublants. Le gardien du musée de l'abbaye dit avoir entendu, chez lui, non loin du parking, le soir des faits, 4 détonations en l'espace d'une 12 secondes. Il peut tout à fait s'agir de coups de feu, ou bien de l'éclatement des 4 pneus. Une riveraine, elle, dit avoir vu chaque matin, pendant 2 mois, une voiture sortir du chemin de l'abbaye, venant précisément de l'endroit où Sylvie Darcy est morte. Pourtant, un endroit peu fréquenté. Elle l'a vu pour la dernière fois le 16 février 2012, soit 10 jours avant les faits. Alors, si les Darcy s'étaient tout simplement trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais tous ces éléments n'ont pas été creusés par les enquêteurs. Il existe une autre piste. Car François Darcy a des ennemis. Dans les années 90, il développe un logiciel de comptabilité. En 2005, une société du nom d'Apagore en négocie l'exploitation. Un contrat est signé, mais l'entreprise ne respecte pas les conditions. ce qui pousse Françoise Darcy à la poursuivre en justice pour violation de la propriété intellectuelle, en l'occurrence. Un mois plus tard, en novembre 2009, les locaux de la société Darcy sont détruits dans un incendie criminel. Dans ce même incendie, des disques durs contenant les codes sources du logiciel ont été dérobés. À Pagor, peu de temps après, on utilise un nouveau qui ressemble étrangement à celui de François Darcy. Alors il en est persuadé, il l'affirme en tout cas, cette entreprise a provoqué l'incendie et a volé les disques durs. Donc Darcy leur réclame 1 700 000 euros. L'audience doit se tenir le 12 avril 2012. Elle n'a pas lieu, et pour cause. François Darcy se retrouve suspecté d'homicide volontaire sur sa femme. Or, si la violence de ce litige commercial avait abouti à la mort de Sylvie Darcy et la tentative de meurtre sur François, le directeur général de Pagor est auditionné, mais il se trouvait en Bretagne ce soir-là. Alors les gendarmes ne sont pas allés plus loin. Selon vous, cet homme qui vous a tiré dessus, pourquoi l'a-t-il fait ? Demande la présidente à François Darcy. Vous lui poserez la question quand vous l'arrêterez, répond-il. À 16h43, le mardi 3 juillet 2018, au procès en appel, les jurés se retirent pour délibérer. Peu après 20h, ils reviennent. Verdict, la condamnation de François Darcy à 30 ans de réclusion est confirmée et même alourdie d'une période de sûreté de 20 ans. Darcy grimace. Il est coupable, car telle est la conviction des jurés. Mais si intime soit-elle, elle reste contestable, car dans l'affaire Darcy, à l'opposé de tout ce que le droit exige, le doute n'a pas profité à l'accusé, il était comme présumé coupable. My heart skips 8 beats at once. That's better. If we were meant to be, we would have been by now. See what you wanna see, all I see is him right now. Him right now. I'll sit and watch your car burn with the fire that you started in me, but you never came back to ask it out. Go ahead and watch my heart burn with the fire that you started in me, but I'll never let you back to put it out. Thanks. Your love feels so fake. My demands are high to make. If I could get to sleep, I would have slept by now. Your lies will never keep, I think you need to blow them out. Blow them out. I'll sit and watch your car burn with the fire that you started in me, but you never came back to ask it out. Go ahead and watch my heart burn with the fire that you started. I still remember that. Heaven sent a present my way. I won't forget your laugh. Packing everything when you leave. You know you coming back. Wanna see me down on my knees, but that was made for a ring. I try to wait for the storm to calm down, but that stubborn bit be leading the war. We drawn down on each other, trying to even the score. We all been found guilty in the court of a order. And I watch your car burn with the fire that you started in me, but you never came back to ask it out. Go ahead and watch my heart burn with the fire that you started just to me. sensible. Sur France Inter, aujourd'hui, l'affaire François Darcy, dont nous allons parler avec notre invité Julien Mucchielli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, chroniqueur judiciaire pour, entre autres, Dalloz Actualité, Le Canard Enchaîné, cofondateur du blog Épris de Justice, blog de chronique judiciaire, et vous êtes l'auteur du livre intitulé 10 ans de mariage sur l'affaire Darcy, justement paru en octobre dernier chez Jean-Claude Lattès. Alors, vous avez assisté aux deux procès. Qu'est-ce qui vous a motivé pour travailler sur cette affaire-là? Alors, elle comporte quelques ingrédients de la chronique judiciaire et peut-être même l'erreur judiciaire, mais au-delà, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller fouiller cette histoire? Alors, j'avais déjà assisté au premier procès en 2016 quand on m'a donné l'opportunité de raconter une affaire judiciaire, et je l'ai choisi parce que, au contraire d'un certain nombre de procès, j'avais encore beaucoup d'interrogations sur cette affaire, et ça me semblait être une histoire à creuser encore. Vous êtes intéressé à l'affaire jusqu'à rencontrer François Darcy, c'est ça, la prison de Fresnes, après sa condamnation donc en appel. Ouais. Comment a-t-il réagi lorsque vous lui avez dit que vous écriviez un livre sur son histoire? Alors, il le savait depuis longtemps, puisque j'ai entrepris l'écriture de ce livre début 2018, et il le savait par le biais de sa mère notamment, que d'accord, j'ai rencontré. Alors, comment il a réagi quand qu'est-ce qu'il vous a dit? Comment ça s'est passé? Eh bien, il était très détendu, très très affable, ce qui était assez surprenant au vu de son attitude aux deux procès, où au contraire, il était très renfermé sur lui-même, et comme je l'explique dans le livre, assez apathique et antipathique. Là, il était détendu, comme dans son élément, peut-être. Ouais. Et il vous fait des confidences? Eh ben, je crois, hein, quand même. Au départ, on raconte tout et rien, on refait un peu le dossier, puis je lui demande quand même si il a pas une version à donner qu'il a refusé de donner au procès, parce que c'est intriguant quand même, quelqu'un qui ne parle pas du tout et qui n'essaye pas de se justifier. Et là, quand il prend une peine aussi lourde. Surtout quand on sait ce qu'il encourt, quand il a déjà été condamné au premier procès, on se dit qu'il va faire il va jouer le tout pour le tout, il va vraiment tout faire pour éviter 30 ans de réclusion. Il l'a pas fait. Et donc là, dans ce parloir, François Darcy me donne sa version. Alors sa version, c'est qu'ils ont été attaqués, Sylvie et lui, cette soirée du dimanche. Une voiture leur a barré la route, un homme est entré dans cette voiture, les menaçant avec une arme. Il les a conduits sur ce parking, et c'est là qu'il a tiré sur Sylvie, tiré sur François, probablement mis le feu, mais François était déjà évanoui, et s'est en allé. Et pour quel motif? Est-ce qu'il a des doutes, une idée de l'homme, par qui il a été envoyé? Lui-même ne m'a donné aucune explication. Sa théorie, c'est qu'il a été, c'est que sa femme a été tuée et lui blessée pour, donc lui n'a pas été tué pour qu'il soit accusé du meurtre de sa femme et qu'ainsi personne d'autre ne soit inquiété. Quelle impression vous a-t-il fait? Parce que quand même, vous rencontrez un homme qui est condamné à 30 ans de prison, avec 20 ans de sûreté. Quel âge a-t-il quand il est condamné à peu près? Il est né en 66, donc 66. On va faire le calcul. Définitivement, il est condamné à 52 ans. C'est ça. Même pas à 52 ans. En fait, quand 52 ans, plus 20, ça met à 72. Quoi. C'est presque une fin de vie avant. Enfin, c'est terrible. Donc comment se comporte-t-il? Qu'est-ce que vous voyez dans ses yeux, dans sa... Essayons de nous mettre à sa place, hein, déjà. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, de ce que vous voyez de l'homme? Alors, quand je suis à l'audience, je vois vraiment un homme recroquevillé sur lui-même, quelqu'un de terne, vraiment, comme s'il n'était pas là, vraiment. Et c'est une impression qu'on peut avoir parfois à la cour d'assises, quand un homme émerge de la prison pour être mis dans un box, on pourrait presque penser qu'il n'a plus vraiment forme humaine, et parfois c'est justifié par les conditions de détention. Bien sûr. Lui, non seulement, à mon avis, souffre de ces conditions de détention, il y a des conséquences physiques et puis morales. Mais en plus, malgré les exhortations de la présidente et des avocats et de ses propres avocats, rien ne sort de lui. Il est vraiment muet, et c'est comme s'il refusait d'expliquer ce qui s'était passé. Ça, c'est au procès. Au procès. Mais vous, quand vous le voyez. Il est détendu, il est presque souriant, il papote avec moi comme si on se connaissait. Il a dû avoir quelques échos de mon travail, et il semble pas spécialement préoccupé par l'affaire. Il dit c'est comme ça, on ne saura jamais rien, et je reverrai mes enfants peut-être un jour, et sinon, bah tant pis, je sortirai de prison et puis voilà. Donc, Vous n'avez pas senti, à travers cet homme, à travers son regard, à travers son comportement, vous n'avez pas senti quelqu'un qui serait condamné de façon injuste? Parce que la révolte, bien sûr, on doit ressentir quand on est condamné, quand on est victime d'une erreur judiciaire, je le disais tout à l'heure, c'est indicible, c'est épouvantable. Vous sentez rien de cette... C'est sûr que l'erreur judiciaire et la condamnation à tort, c'est quelque chose qui nous révolte moralement. C'est insupportable. Et dans un premier temps, on s'attend à voir un homme crier son innocence dans la cour d'assises. Mmh. Il ne le fait pas. On se dit que ce sont les circonstances, c'est la pression, c'est je ne sais pas tout ce qui peut intervenir dans la tête d'un homme à ce moment-là. Mais entre quatre murs et dans la confidence, on pense que la vérité, en tout cas la vérité d'un homme va se dire, il va exprimer son ressenti profond, et non plus, il n'est pas torturé en tout cas, apparemment. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'on est dans le grand drame de cette affaire, c'est qu'on est dans le doute. On voudrait de la justice qu'elle puisse dire c'est comme ça ou c'est pas autrement, oui et non. Mais ça, c'est l'idéal de la justice. Bien sûr. C'est pas toujours le cas, la preuve. Et quand c'est pas le cas, on est dans le doute. Et vous, c'est quoi votre sentiment par rapport à cette histoire? J'ai justement passé tout le livre à essayer de ne pas donner mon avis et justement à cultiver ce doute. Je me suis dit, j'ai essayé, ça va peut-être marcher là. Voilà, donc je ne sais pas si c'est très utile de donner une intime conviction. Ce qui est possible, en tout cas, c'est de considérer les deux, sa culpabilité ou son innocence. Et c'est ça que j'essaye de mettre en balance dans le livre. Que le lecteur ait tous les éléments à charge, bien sûr, car ils ont été donnés pendant l'enquête et ils ont même conduit à sa condamnation. Mais aussi tout ce qui n'a pas été parfaitement exploité, je trouve, et qui aurait pu semer le doute dans l'esprit des jurés et qui aurait pu conduire à son acquittement. Bien sûr. On va écouter un autre extrait, si vous voulez bien, du film « 12 hommes en colère » de Sidney Lumet. Il s'agit donc d'une délibération d'un jury aux États-Unis pour une affaire à domicile dans laquelle, comme dans l'affaire Darcy, tous les éléments du procès accable l'accusé. Alors c'est un film, c'était aussi plusieurs pièces de théâtre à Paris, notamment au théâtre Héberto. Enfin bref, c'est le personnage dans le film d'Henri Fonda qui parle. Il tente de convaincre les autres jurés qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé et donc il faut l'acquitter. Il est toujours difficile de faire abstraction des préjugés dans une affaire de ce genre. Chaque fois qu'on les rencontre, les préjugés obscurcissent la vérité. J'ignore où est la vérité exacte. Et je ne crois pas qu'on l'apprenne jamais, cette vérité. Neuf d'entre nous semblent penser que l'accusé est innocent. Mais nous misons tous les neuf sur des probabilités et nous pouvons faire erreur. Nous pouvons être en train de chercher à sauver un criminel, je n'en sais rien. Qui peut savoir ce qu'il en est? Mais nous avons un doute valable. Et ça, messieurs, d'après nos lois, ça compte beaucoup. Car pas un jury ne doit déclarer coupable un accusé à moins d'une certitude. Nous, les neuf, nous comprenons difficilement comment vous trois êtes aussi sûrs. Alors, on entendait aussi tout à l'heure le concept dans un premier extrait de 12 hommes en colère de doute valable. Oui, je crois que les Américains appellent ça reasonable doubt. C'est vrai qu'on a tendance à pas le rappeler quand on dit que le doute doit bénéficier à l'accusé. C'est-à-dire que la certitude ne doit pas être forcément absolue pour condamner un homme, mais elle doit être très très grande et elle doit surtout reposer sur des bases sérieuses et crédibles. Dans 12 hommes en colère, c'est le système américain qui a cours, et la grande différence, c'est que les jurés délibèrent seuls, sans la cour d'assises, sans les magistrats professionnels, et que la décision doit être prise à l'unanimité et non à la majorité qualifiée. Je pense que ces deux détails changent beaucoup aux discussions qui doivent avoir lieu dans le secret du délibéré. Et quelle est la formule qui vous paraît la plus proche d'une justice souhaitable? Oh, je pense que on débat souvent de l'opportunité des jurés populaires, notamment au cours d'assises, et il y a des arguments qui vont dans les deux sens. Donc je pense pas qu'il y ait un meilleur système que d'autres. Il faut simplement que les deux systèmes, chacun dans leur côté, fonctionnent, ou a l'air de fonctionner en tout cas. Qu'est-ce qui fait qu'en appel, il a pris la même condamnation et même plus lourde avec ses fameux 20 ans de sûreté? C'est à cause de son comportement qui était le même dans le deuxième procès que pendant le premier procès, ou parce qu'il n'y a pas de supplément d'information qui peut faire changer d'avis les jurés, c'est ça? Alors il n'y a aucune nouvelle information, bien sûr. Son attitude est strictement identique, alors qu'au départ, moi j'avais l'espérance de voir un accusé différent qui allait prendre, on va dire, la forme d'un innocent peut-être et qui allait se défendre bec et ongles. Pas du tout. Il a continué persisté dans son attitude d'apathie. Il a été l'objet des mêmes commentaires de la part de sa belle-famille qui le pensent tous coupable et les mêmes faits matériels donc pesaient sur lui. Donc il n'a pas su se débrouiller avec ça. Pourquoi est-ce qu'une peine de sûreté supplémentaire? Oui, ça paraît étrange, parce qu'il n'y a pas de supplément d'information qui va à charge. C'est une décision légèrement différente des jurés. Vous savez, il aurait pu prendre 25 ans ou perpétuité, c'est ce qui avait été requis. Voilà, parfois il y a une petite différence en fonction des juges. Alors, quand on n'a pas la vérité à porter sur un plateau avec des preuves, eh bien, on réfléchit, c'est bien. Hein. La justice est un fondement, un des piliers de notre démocratie. Et parmi les grandes voix qui se sont exprimées sur cette thématique si importante, il y a bien évidemment l'incontournable voix de Robert Badinter. On va l'écouter sauter sur le plateau de l'heure des vérités sur Antenne 2 en avril 85. Nous étions en plein dans l'affaire Grégory. Et puis alors, ce que je voudrais rappeler, monsieur Duhamel, c'est qu'il faut que nos concitoyens, que les Français sachent bien que l'inculpation, ça n'est pas la condamnation. Que l'inculpation en France, cela veut dire qu'il se trouve dans le dossier des charges contre un justiciable, mais seulement des charges qu'il est encore présumé innocent. Et l'inculpation, je le disais toujours à mes étudiants, elle a une fonction qu'on oublie trop souvent, c'est qu'elle déclenche les droits de la défense. Si on inculpe, ce n'est pas seulement parce qu'on désigne du doigt, ce n'est pas ça l'inculpé. C'est parce que la loi veut, le droit veut, que l'inculpé puisse, grâce à son avocat, avoir connaissance du dossier et préparer sa défense, parce qu'on est en présence de charges. Vous voyez, cette espèce de confusion dans les esprits. On inculpe, c'est le coupable. Non, c'est un homme contre lequel il y a des charges. Les charges, ça se combat. Je dirais que la défense est là pour ça, et à partir de ce moment-là, eh bien, on assiste un deuxième temps de l'instruction. Mais cette conclusion immédiate, il est inculpé, il est tout coupable. Et alors ensuite on dit, comment il a été inculpé, mais quoi, il peut y avoir un non-lieu, donc c'était une erreur judiciaire. Non, c'est la démarche de la loi. Et je rappelle que cette déclaration de Robert Badinter date du avril 85, et puis à la fin de la décennie qui a suivi, à la fin de la décennie 90, il y a eu la loi sur la présomption d'innocence. Elle a vraiment beaucoup changé la donne, cette loi? À votre avis? Je ne sais pas exactement comment est-ce que ça se passait avant et par rapport à maintenant. Avant, on veut dire inculpé, par exemple. Maintenant, on ne dit plus inculpé. On dit inculpation, on dit mise en examen. Mise en examen, ça date différent de cette époque-là. De cette époque-là, oui. Je pense qu'en droit, il y a des règles très strictes. On est suspect, mis en cause, mis en examen, accusé, condamné, et condamné définitivement une fois que tous les recours ont été faits ou voilà. Donc, il y a tout un vocabulaire. Et il y a tout un nombre de droits que le mis en cause a et qui découlent directement de la présomption d'innocence. Puis ensuite, dans les faits, dans la société, on parle des faits divers qui arrivent, on arrête quelqu'un. Il y a une espèce de vindicte populaire qui peut parfois se déclencher. Les médias parlent et parfois se trompent dans les termes, parlent du meurtrier ou du meurtrier présumé, ce qui n'a aucun sens. Si on est présumé, c'est innocent. Avec l'emploi de mauvais mots, parfois des intentions qui sont pas mauvaises, mais peut-être une mise en scène, on arrive à construire un coupable dans la tête des gens sans avoir vraiment voulu le condamner à l'avance, mais dans les faits, c'est là. Et je pense que c'est très compliqué aujourd'hui, pour une affaire médiatisée en tout cas, pour l'accusé d'arriver avec toute sa présomption d'innocence au procès. Ouais. Bien sûr, c'est un principe, c'est pas forcément une réalité observée. Vous dites, on peut construire un coupable, aussi en n'exploitant pas les faits, les hypothèses qui pourraient être à décharge. Et donc ça a été le cas, justement, parce que vous dites qu'il y a eu des pistes qui n'ont pas été explorées. Oui. À votre avis, quelles sont les pistes les plus importantes qui n'ont pas été explorées et qui auraient pu déboucher sur un autre scénario, un autre jugement? Alors c'est difficile de m'exprimer sur ce qui n'a pas été fait, mais ce que vous avez évoqué, ce qui est écrit dans le livre, et je pense, en tout cas il n'y a pas de trace ni à l'audience ni dans le dossier, d'une exploitation de ces pistes, et notamment cette femme qui voit pendant 2 mois une voiture sortir du parking, ça n'est évoqué nulle part autre part que dans le PV qui reprend le témoignage de cette femme. Elle n'est pas interrogée au procès. Donc finalement, on fait vraiment... On, peu de cas de ce témoignage. Or, je ne sais pas si on aurait peut-être pu trouver d'autres témoins qui auraient corroboré celui-là, mais je m'imagine qu'on aurait pu peut-être plus essayer en tout cas de tirer au clair ce témoignage. Et puis aussi le différent commercial. Le différent commercial. Alors, on dit, oui, le patron, il était en Bretagne, donc il n'a pas pu... Oui. Enfin, il a pu aussi demander à des gens de le faire, un contracteur. Ça non plus, ça n'a pas été... J'ai l'impression qu'on est passé là-dessus. Bon, non, effectivement, comme c'est écrit, il est interrogé, il était en vacances en Bretagne, alors que s'il avait eu un contrat, effectivement, il n'avait pas besoin d'être sur place pour que les faits soient commis. Je pense que le scénario, ce scénario-là est très improbable. C'est pour ça qu'il n'a pas été pris au sérieux. Il faut l'admettre. Mais en revanche, quand on a un contentieux qui porte sur 1 million, 1,7 million, c'est ce qu'il demandait, ce qui est une somme importante, on sait très bien qu'on peut tuer pour des sommes même inférieures à celle-là. Et ça me semble logique de se poser la question tout de même. La reconstitution, ça c'est souvent un moment important, oui. Notamment quand on a des doutes pour le coup sur la façon dont a été menée une enquête. La reconstitution, ça devient vraiment un élément très important. Comment ça s'est passé pour cette affaire-là? Alors, c'était très très particulier. Déjà, on ne faisait pas la reconstitution du meurtre de Sylvie Darcy, vu qu'on ne sait pas comment elle a été tuée. On faisait la reconstitution de l'attitude de ce qu'a fait François Darcy ce soir-là sur le parking. Donc, ce qui a été demandé à François Darcy, en fait, c'est de se tirer dans le dos. J'ai trouvé ça très très bizarre, et en fait quelle vérité on voulait trouver en lui demandant de faire semblant de se tirer dans le dos. Alors déjà il a refusé, il a prétexté qu'il avait peur de ne plus être encadré par deux gendarmes, parce que la dernière fois qu'il était venu sur ce parking, il s'était fait tirer dessus. On peut pas lui retirer ça, c'est vrai. Donc c'est une autre personne qui l'a remplacé, un gendarme qui avait à peu près son gabarit, enfin un peu moins parce qu'il était vraiment très très grand et gros, et qui a essayé de se tirer dessus avec un fac-similé, une arme, une fausse arme. 60 cm de longueur, il fallait que ça fasse la longueur. Voilà, il a essayé plusieurs configurations, l'arme en entière, sans le canon, sans la crosse, sans les deux, à gauche, à droite, au-dessus, en dessous de l'épaule. Et à côté de ça, on avait le balisticien et un médecin qui regardaient et qui disaient si, selon eux, c'était possible ou non de se tirer dessus dans telle position. Mais à aucun moment, on s'est posé la question de savoir si c'était, crédible. Car même si c'est possible, pourtant, de c'est se important, tirer c'est un élément du scénario que lui présente. Mais s'il ne l'a pas fait, leur scénario n'est pas possible. Donc il faut qu'il l'ait fait. Or, il s'est quand même tiré dans le dos. La balle s'est fichée tout près du cœur. Donc au moindre décalage, il pouvait être tué. Même si l'arme est sous-dosée en poudre, comme ils le disent, et ce qui est constaté, de toute façon, c'était létal en se tirant dessus. Donc ça, on a l'impression que c'est pas vraiment pris en compte. On veut juste savoir si c'est humainement possible de se tirer dessus. À cette question, il a été répondu oui, ils s'en sont contentés. Et l'arme, on n'a pas trouvé. Est-il envisageable que François Darcy ait suffisamment bien caché l'arme pour que toutes les équipes de recherche ne la trouvent pas? C'est toujours possible, mais comme ça a été écrit, ils l'ont vraiment cherché longtemps, beaucoup. Ils ont dragué les étangs, utilisé un détecteur de métaux, des chiens spécialisés, des brigades vraiment de pointe. Ils n'ont rien trouvé, alors qu'on est dans la vallée de Chevreux, c'est pas une forêt vierge. On peut quand même, je pense, légitimement penser qu'ils l'auraient trouvé. Mais après, on ne sait jamais. Sauf que ils ont simplement considéré qu'on ne l'avait pas trouvé. Et ils n'ont pas cherché à construire un scénario parallèle, je ne sais pas. Bien, dites-moi, Julien Micheli, ce blog est pris de justice? On en dit un mot, qu'est-ce qu'on peut... Alors, oui, c'est un blog qui a été, qui a été créé fin 2014, que j'ai rejoint très rapidement, et donc je m'occupe pas mal depuis lors. Depuis quelques temps, il est un peu moins en activité, parce que j'ai moins le temps de le remplir, parce que c'est une activité bénévole, mais ce sont des chroniques judiciaires, donc au sens large du terme, des récits d'audience, des récits d'histoire d'affaires criminelles ou correctionnelles, justice de tous les jours, ou ce genre d'affaires, car j'ai écrit la chronique du premier procès sur épris de justice, qui peuvent être plus ou moins courts, plus ou moins longs, et on est un certain nombre de journalistes à écrire régulièrement et à raconter des affaires. Parfait, merci infiniment Julien Micheli pour la narration de cette affaire, de cette affaire-là, et donc racontée dans votre livre intitulé 10 ans de mariage, une enquête dans la vallée de Chevreuse, chez Jean-Claude Lattès. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire François Darcy, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Et merci à Grégory Wallon qui était à la technique aujourd'hui.